expérience, quelle tonalité? Dis-moi. Quelle tonalité est-ce? Allez, on... on appuie sur le bouton encore? Suspense. Alors, qu'est-ce que ce sera? T'es prêt? T'es prêt? Attention. C'est quoi? Bah ouais. Thank you.